la dernière de la saga des Fab Four, je m'étais dit, on va faire ça tranquille. Alors, qu'est-ce que j'appelle tranquille? Mais je fais rien. C'est vous qui allez tout faire, les amis. Vous allez me programmer cette saga pendant les 30 chansons. Alors, il y en a des petits futés. J'avais dit, on fera l'émission le jour de la saga. Mais bien sûr, sur Facebook, sur yellowsub.fr et sur Macablog, vous n'avez pas pu vous empêcher. Vous m'avez proposé des titres. Donc, j'en ai 10 ou 12, je crois, déjà, sur les 30, déjà. Mais libre à vous de demander un titre. N'essayez pas de me coller, parce qu'il faut prendre des titres, quand même, qui sont sortis dans... le commerce, hein, de préférence, les pirates, ça ne se passe pas en radio, n'est-ce pas? Et on va faire la saga que vous avez envie d'entendre pour cette dernière. Au programme, je vous donne juste les deux premiers. Il y aura All Things Must Pass, chanté par Paul McCartney lors du concert pour George en 2003. Et ensuite, il y aura Paul McCartney en 1976, lorsqu'il avait la voix absolument fantastique, extraordinaire. D'ailleurs, Paul McCartney va mieux. Paul McCartney reprend les tournées très bientôt aux États-Unis. Paul, viens en France. On veut te voir en France. Voilà, c'est tout. Traduisez-lui, hein, les autres. Dites-lui qu'il vienne en France, on veut absolument le voir. Il y aura Hi, Hi, Hi, donc dans la version 1976. Voilà, c'est tout. Je vous laisse le générique jusqu'au bout. Et après, place à la musique sur RG. C'est la saga des Fab Four, la saga que vous commandez. En 2003, Eric Clapton réunit plein de copains pour rendre hommage à George. J'aurais aimé y être. Voici All Things Must Pass, chanté par Paul McCartney sur RG. And has left you with no warning. It isn't always gonna be this great. All things must pass. All things must pass away. Sunset doesn't last all evening. A mind can blow the clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It isn't all. Another day, now the darkness only lasts nighttime. In the morning it will fade away. The daylight is good at arriving at the right time. It is a moment. We'll be right back. c'est de le voir que non. Qu'est-ce que j'aime ce titre, qu'est-ce que j'aime Paul McCartney. Et qu'est-ce que je regrette que ce soir, la Wi-Fi rame beaucoup ici à RIG. Donc on va essayer de passer par le téléphone qui envoie sur l'ordinateur pour essayer de vous voir. Mais je ne pourrai pas être présent sur yellowsub.fr et sur macaclub.com. Désolé, je vais me contenter de Facebook, le groupe La Saga des Fab Four, et seulement parce que je pense que je vais griller ma batterie à essayer de faire ça. Ce sont des choses qui arrivent, ça n'est pas bien grave finalement. Voici une autre demande que vous m'avez faite pendant la semaine, c'est Can't Buy Me Love, par les Beatles forcément, sur l'album A Hard Day's Night en 1964. Quelle très belle année. Can't buy me love. That makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Can buy me love. Everybody tells me so. Can buy me love. No, no, no, no. Say you don't need no diamond rings and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of the things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love. Love. Je suis en train de me battre pour essayer d'arriver sur les réseaux sociaux, hein, donc ne vous inquiétez pas, je vais arriver aussi vite que possible. While My Guitar Gently Weeps a été demandé, mais pas la version de l'album blanc, la version des Beatles Anthology, celle dans laquelle George Harrison, en quelque sorte, présente la chanson à ses copains. Il y a un couplet en plus, pour une raison que j'ignore, il supprimera dans la version finale, mais moi j'ai un petit faible pour la version finale que je trouve sublimé, bien encore meilleur, bien que cette version-là, juste à la guitare sèche, elle est aussi sublime. Là, je pense que George Harrison touchait des cieux le génie, parce que c'est vraiment fabuleux. Voici While My Guitar Gently Weeps, version acoustique sur RG. The lover that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why. Nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one elated you. I look from the wings at the play you are staging while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps. Thank you. La chanson suivante, pardon, la chanson suivante a été enregistrée entre les 21 et 22 octobre de quelle année à votre avis? Eh bien, c'est sur l'album Rob Soul, ça vous donnera donc l'année 1965. Nowhere Man, puisque c'est le titre, est le premier titre des Beatles qui ne soit pas une chanson d'amour. John composa Nowhere Man un matin, autour d'une sortie nocturne, et cette chanson marque le début des pérégrinations philosophiques de son inspiration. Il a longtemps été admis que le Nowhere Man, l'homme de nulle part, était soit une personne bien spécifique, et Julia Phillips dans son You'll Never Eat Lunch at this, in This Town Again, son livre de révélation sur Hollywood, juge probable qu'il s'agisse d'un homme d'affaires du nom de Michael Brown, soit l'archétype de l'homme à la vie rangée et vaine. Mais John déclara qu'il était cet homme de nulle part et que le désespoir l'avait poussé à composer cette chanson après qu'il eut passé 5 heures d'affilée devant sa feuille blanche. J'avais arrêté de chercher, raconta-t-il à Hunter Davis, le biographe des Beatles. Rien ne venait, je me sentais frustré, je suis allé m'allonger, abandonnant tout espoir. Et là vraiment, j'ai eu l'impression d'être un homme de nulle part, assis dans son pays qui n'existe pas. Nowhere Man, sitting in his nowhere land. Bon, je vous signale que je peux accéder à Facebook, mais laissez un mot s'il vous plaît sur yellowsub.net et yellowsub.fr pardon et macaclub.com. Je ne peux pas aller plus que Facebook. On se contentera de ça ce soir. J'en suis bien désolé, c'est une petite un petit problème technique qui s'arrangera, je le souhaite, durant cet été. Voici Nowhere Man sur RG. He's a real nowhere man sitting in his nowhere land. Ce soir, pour la dernière de la saga des Fab Four de la saison, il y a Rook qui a essayé de me mettre en défaut en me demandant la chanson Yaya. Alors, au départ, je pensais à celle qui figure sur l'album de John Lennon en 1975, l'album Rock'n'Roll. C'est un tout petit bout de chanson, pas très bien fait, puisque à l'époque, eh bien, c'était le jeune Julian Lennon, il me semble, qui jouait un petit peu de batterie. Mais bon, c'est franchement pas ce qu'il y a de mieux. Et puis Rook de me dire non, moi je te parle de celle faite avec Tony Sheridan du temps de Hambourg en 1961. Alors évidemment, en principe, les statuts de la saga des Fab Four, c'est d'octobre 1962 jusqu'à maintenant, puisque je fais démarrer les Beatles à Love Me Do, le début. Eh ben finalement, ben je l'ai trouvée, puis je l'ai cette chanson, je l'avais dans mes affaires, je l'avais simplement pas mise sur l'ordinateur. La voici cette chanson, Ya Ya, des Tony Sheridan et les Beatles en 1961. Hey, baby, hurry now, don't you make me worry, I said, hey, baby, hurry, don't make me worry, Oh, you know I love you, yes, I really love you, Hey, baby, hurry, don't make me worry, Ramon en 1971 avec sa suite sur l'autre face du vinyle. Il reprenait un petit bout de Ramon et un petit bout d'une future chanson 2 ans plus tard. Écoutez. Voilà, ce petit morceau-là deviendra Big Bound Bed en 1973 sur l'album Red Rose Speedway. Je voulais rendre hommage à une personne que j'ai connue cette année, qui habite Londres, c'est Lovely Rita. Lovely Rita qui est responsable du Beatles Magazine, qui est le moyen de tout savoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur tous les réseaux, sur les Beatles. Et surtout, et c'est ça que je trouve fantastique, elle met en relation les fans, mais elle met en relation aussi les disques jockeys, puisque, enfin les disques jockeys, les animateurs radio, j'aime pas le terme vraiment de disques jockeys, les animateurs radio. Et c'est ainsi que j'ai découvert par exemple Beatles Tonight par Michael Honorato dans le New Jersey sur Home Ground Radio New Jersey. Vous pouvez l'écouter, alors c'est le lundi de 10h à minuit dans le New Jersey. En France, c'est le mardi à 4h du matin. Faut avoir envie de se lever tôt, je l'ai fait la dernière fois, mais c'est très amusant d'entendre quelqu'un qui est passionné aussi, qui fait quelque chose dans un autre pays. En langue anglaise, forcément, c'est beaucoup plus facile. Alors c'est beaucoup plus facile pour dire froid un jour. Pour que je prenne sa phrase quand il parle de Lovely Rita, parce qu'il en parle très bien et il le fait en anglais, comme ça elle comprendra encore mieux. Donc pour Lovely Rita, j'ai choisi sa chanson Lovely Rita, mais dans une version particulière, celle du Barclays Center de je ne sais plus quand, tiens, de 2013 apparemment, par Paul McCartney sur RIG. For you, this is... Sorry, I'm reading the signs here. You get all these signs, you know, and part of your mind says, don't read them, because you're trying to do all the chords and remember the words and things. And then the other bit of your mind says, I'll read them, what the heck, it doesn't matter. This is good fun. Please sign my wife. I'm not signing your wife, man. What? I can't sign wives. The stage of my career. Lovely Rita. Lovely Rita. Paul avait reçu la visite d'un ami américain qui, voyant une contractuelle, phénomène alors nouveau en Angleterre, s'exclama « Je vois que vous avez aussi vos mitts-maids, vos pervenches. » Maintenant, Paul apprécia l'allitération et commença à jouer avec ses mots sur le piano de son père. « J'aimais bien cette expression, raconte Paul. Je me suis dit qu'il fallait que ce soit Rita, mitts-maid, puis Lovely Rita, mitts-maid. J'ai d'abord pensé en faire une chanson vengeresse, puis je me suis dit qu'il valait mieux l'aimer. » C'est de là qu'est venue l'idée d'un jeune employé timide qui, venant de recevoir une contravention, séduit d'un jeune employé, c'est mieux, qui venant de recevoir une contravention, séduit une contractuelle en essayant de la lui faire annuler. Je me demandais le genre de personne que je devais être pour tomber amoureux d'une contractuelle, ajouta Paul. Quelques années plus tard, une contractuelle du nom de Meta Davis, qui travaillait dans le quartier londonien de St. John's Wood, affirma avoir inspiré cette chanson. Non pas qu'elle aurait été séduite par un Beatle, mais en 1967, elle avait dressé une contravention à un M.P. McCartney qui s'était intéressé à son prénom inhabituel. Sa voiture était garée devant un parc-mètre et le délai avait expiré, raconta Meta. Je lui ai dressé une contravention. L'amende était à l'époque de 10 shillings. Je venais de la glisser sur le pare-brise quand Paul arriva et la prit d'une main. Il la regarda, lut ma signature sur laquelle mon nom apparaissait en entier. Parce qu'il y avait une autre M. Davis dans notre unité. Alors qu'il s'est longué, il s'est retourné vers moi et m'a demandé « Oh, vous vous appelez réellement Meta ?» Et je lui ai répondu que oui. Nous avons discuté quelques minutes. Il m'a dit « Ce serait un bon nom pour une chanson. Ça vous gênerait si je l'utilisais ?» Et c'est tout, il est parti. Il est probable que Paul McCartney avait déjà alors écrit « Lovely Rita » et qu'il avait flatté un peu. Bien que Meta ait été de 22 ans son aîné. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson extraite, bien sûr, de Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, sortie en 1967. C'était les jeunes années des Beatles, les jours plus anciens, voilà, tout comme ça. Oh, mais je suis fort pour mettre la chanson suivante et donner un rapport. Voici Early Days. Je l'ai programmé parce que j'attends le clip. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a des photos qui sont apparues sur le net. On le voit dans un costume marron avec des musiciens peut-être de la Nouvelle-Orléans, je ne sais pas. Juste à côté de lui, tous avec des guitares forcément, parce que c'est très acoustique cette chanson-là. Et j'aimerais beaucoup voir le clip parce qu'à mon avis, ça va être bien. Voici Early Days, extrait de l'album New, sorti en 2013 sur RG. They can't take it from me if they try. I lived through those early days. So many times I had to change the pain to laughter just to keep from getting crazy. Dressed in black from head to toe, two guitars across our backs, we would walk the city road, seeking someone who would listen to the music that we were writing down at home. But they can't take it from me if they try. Slick back with Vaseline, like the pictures on the wall of the local record shop. Hearing noises we were destined to remember, we willed the thrill to never stop. come to you when you look for them. And your inspiration, long may it last, may it come to you time and time again. Seems to have their own opinion of who did this and who did that. But as for me, I don't see how they can remember when they weren't, where it was at. And they can't take it from me if they try. Je rappelle que suite à un petit inconvénient technique, je ne peux être que sur Facebook. Donc, je remercie ceux qui connaissent yellowsub.fr et maquetclub.com de leur mettre sur les sites de venir sur Facebook. Après tout, pourquoi pas? Parce que je ne peux pas faire plus. L'appareil que j'utilise m'interdit sinon ça va ramer complètement. Je vais plus rien voir. Donc, je ne suis que sur Facebook pour ce soir, pour la dernière, pour justement celle où vous deviez me demander des titres. Et à propos du titre précédent, Lovely Rita, je vous montre que je vous lis quand même, j'essaie de trouver le temps de vous lire. J'aime beaucoup la remarque de Pascal qui dit si la pervenche avait 22 ans de plus que Paul McCartney, elle ne doit plus avoir mal aux dents. C'est pas faux. C'est pas faux, bien que les pervenches ça s'accroche, hein, elle est peut-être encore là. Voilà, merci en tout cas pour cette remarque et continuez à mettre des images et tout ça, j'aime beaucoup. Il y a Rook qui a mis justement l'image dont je parlais de Paul McCartney à la guitare accompagné d'autres musiciens dans une ambiance que j'estime être New Orleans, mais je sais pas si c'est du tout de ce coin-là, mais c'est plutôt très très sympa. Voici un autre artiste, parce que j'ai été obligé de le mettre exprès, là c'est mon choix, parce que vous orientez l'émission Beatles et Paul McCartney, et j'adore, mais il faut pas oublier quand même George Harrison. Voici George Harrison dans Out of Time, sur l'album All Things Must Pass, et c'est sur RIG. C'est la saga, c'est la saga, c'est la saga, les paroles. Thank you. Vous êtes bien sur RIG 90.7 pour la région bordelaise, même si, même dans la région bordelaise, vous pouvez écouter cette émission comme partout dans le monde sur www.rigfm.fr. Vous pouvez utiliser le logiciel TuneIn, par exemple, pour retrouver RIG. Il y a également 00 Tune, sur lequel vous pouvez non seulement entendre RIG, j'ai fait ajouter cette radio, mais en plus, vous pouvez l'enregistrer en même temps. Ça peut être intéressant pour certains d'entre vous, on ne sait jamais. Et donc je voulais envoyer un grand bonjour pour cette dernière saga des Fab Four, la 220e, je ne l'ai pas dit en début d'émission, à tous ceux que je connais virtuellement via le net, mais également à tous ceux que je connais en vrai, et dont une qui me touche de près, puisque c'est Eden, ma fille, qui doit être en train de manger certainement, et elle n'est pas avec moi présente dans le studio. Je t'embrasse ma fille, je t'aime énormément, je tenais à le dire à la radio, tu me manques beaucoup, même si tu n'es que à quelques kilomètres de moi. Voilà, et ça, la chanson suivante, c'est un cadeau pour Pascal qui garde Eden, en la remerciant beaucoup. Voici Bruce Springsteen et Paul McCartney dans I Saw Her Standing There et Twist and Shout, juste derrière. Thank you, that special guest. Come on out, man. So, Paul McCartney gonna sit in with us. We don't want to make no big deal out of it, but we've been waiting about 50 years. One, two, three, four! Well, she was just 17, and you know what I mean. And the way she looked was way beyond. We'll be right back.

Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her under your skin. Then you begin to make it. Chanson que celle-ci. Aiden, une version remix chantée par Paul McCartney. Bon, c'est pas grave. C'est une petite, un petit quart d'heure de folie. Voilà, 7 minutes de folie de ma part. Et puis je me suis bien amusé. Et puis je vous ai entendu chanter, vous, de votre côté. Et puisque vous aimez aussi les grands classiques, je vous en propose un. Hein, qui m'a été demandé, encore une fois, puisque vous pouvez demander ce que vous voulez ce soir, du moment que ça concerne évidemment les Fab Four, et je vous propose d'écouter ce que j'estime être la plus belle version de Let It Be chantée par Paul McCartney après la séparation. C'était dans extrait de l'album Rock for Kampuchea. Il avait amassé une pléiade d'artistes, un peu comme pour le concert for George, que des légendes sur scène. Et voici Let It Be dans une version extraordinaire sur RIG. gonna find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my darkest hour, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Yeah, let it be. Let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Although they may be part, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Orchestra Theme en version live, une version extraordinaire. Je vous passe la plupart du temps lorsque je fais des albums live pour vous, des sagas live, c'est qui serait plus juste de dire. Voilà, la chanson suivante, eh bien écoutez, c'est l'avantage de vous donner la parole de temps à autre parce que je dois avouer que je ne la passe jamais. C'est The Continuing Story of Bungalow Bill. C'est parce qu'elle est difficile à prononcer que je la passe jamais sans doute. C'est sur l'album blanc forcément. Je crois qu'on entend l'autre aussi un petit peu. Ça, c'est désagréable. Les Beatles. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. He went out tiger hunting with his elephant and gun. In case of accidents, he always

yellowsubclub.com et yellowsub.fr. Donc soyez-en. Enfin, j'espère que vous acceptez mes excuses. Je ne peux pas le faire. Je n'arriverai pas à faire l'émission en faisant comme ça. C'est toujours la saga de que vous pouvez choisir. Il reste encore quelques places. Peut-être, on va dire, allez, 4-5 chansons. Si vous avez envie d'entendre quelque chose, eh bien, demandez-le comme d'autres internautes l'ont fait. Je ne les cite pas parce que ça aurait été trop compliqué de savoir à chaque fois qui a demandé quoi. Mais lorsque vous entendez la chanson, vous savez que c'est vous qui l'avez demandé sur RIG dans cette dernière saga des Fab Four. Voilà une chanson que je passe rarement également, voire même que j'avais oublié de passer. Elle est bien pourtant. 1993 sur l'album Off the Ground, voici Get Out of My Way. Gadif Fab Four, c'est sur RIG. Hello, this is Paul McCartney. Okay. All right, we're going to have a great time tonight. Yes. If you got any hair, I want you to let it down. Because we're going to have a party. This next song goes back to the 1970s. Every day she takes the morning bath, she wets her hair, wraps her towel around her wrist, she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping in the stockings, stepping in the shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day, at the office where the papers go, she takes a break, another coffee and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. It's just another day. he stays, but he leaves the next day. So sad. Sometimes she feels so sad as she posts another letter to the sound of fire. People gather round her and she finds it all still alive. It's just another day. It's just another day. It's just another day. So sad, so sad. Sometimes she feels so sad. Alone in the park that she dwelt. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Stepping in the stockings, stepping in the shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day. It's just another day. Je me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Est-ce qu'on ferait pas ça dans la rue? Non, moi je suis timide, je préfère chez moi, hein, et puis juste la seule, juste toi et moi. Enfin toi, je me comprends, je sais de qui je parle, voilà. Elle se reconnaîtra, je pense. Allez, ouais, c'est vous qui l'avez demandé, et je vous propose une version différente forcément. Sur RG, c'est John Lennon maintenant. There's no heaven. It easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people sharing for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only. For greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. C'est la Imagine Taekwon que vous retrouvez sur l'album Once Upon a Time, par exemple, sorti en 1998, si mes souvenirs ne me trompent pas. C'est un condensé du Beatles Anthology, du Lennon Anthology, pardon. Parce que c'est vrai que, je sais pas si vous avez remarqué que je suis un petit peu plus fan de Paul McCartney, par exemple, que de John Lennon, même si j'aime bien. Et, au départ, je me disais, mettre tant d'argent pour la Lennon Anthology, bof. Alors, on va acheter le condensé, ce sera bien. Et puis j'ai acheté le condensé et puis après je me suis dit, bon ben après tout je suis fan hein. Donc on va acheter la Lennon Anthologie aussi et j'ai fini par acheter la Lennon Anthologie, voilà. C'est une petite anecdote comme ça qui ne sert à rien mais qui sert à vous dire que bah il reste plus que 20 minutes déjà et vous avez encore quelques places pour les chansons. Donc allez-y, demandez, on ne sait jamais. Comme par exemple la personne qui m'a demandé 1 après 909, ça fait quoi Eric? 910, ça fait aussi une chanson des Beatles. Run right home. Then I find you got the number. One After 909 est peut-être la plus ancienne chanson de Lennon et McCartney qui a été enregistrée. Elle date a priori de 1957, peu après la rencontre McCartney et Lennon. C'est l'une des plus de 100 chansons que les deux Beatles disaient avoir composées avant Love Me Do. Elle remonte à l'époque de Fort Lynn Road. Les Beatles enregistrèrent One After 909 pour la première fois en mars 1963, durant la même séance que From Me to You. Mais George Martin jugea le résultat si peu convaincant que la bande ne refit jamais surface. L'idée de John était de composer une histoire de train à l'américaine en s'inspirant du succès skiffle comme Last Train to San Fernando par Johnny Duncan ou Cumberland Gap et Rock Island Line par Lonnie Donegan et Freight Train par le Chas McDavid Skiffle Group. Ouh, c'est dur. Nous avions l'habitude de sécher les cours et de retourner chez moi pour composer, raconte Paul. Il y a beaucoup de chansons de cette époque que nous n'avons jamais utilisées parce que ce sont des chansons très simples. Nous détestions les paroles de One After 909. Pourtant, elle est parue sur l'album Let It Be en 1970 et ça, c'est la version de 1963, si je ne me trompe, que vous venez d'entendre. Tout comme une autre chanson que Paul avait écrite pour d'autres personnes. Il n'avait officiellement jamais chanté pour les Beatles, mais c'est sorti sur une anthologie. La voici. Come and Get It sur la RG. Là, c'est moi qui l'ai mise. Lorsqu'on lui avait dit « T'en as pas marre de composer des petites chansons d'amour ?» Eh ben, il en a fait un tube. Silly Love Songs, Paul McCartney sur RG. I'd like to know, 'cause here I go I'm not afraid to die. aucun mal à ça, What's Wrong Without. On a commencé la chanson avec un hommage à George. On termine l'émission, je veux dire, on a commencé l'émission, on termine l'émission avec un hommage à George. Je vais pas y arriver. Quatre batteurs, des guitaristes tous en train de gratter à mort. Voici Wawa de Cancer for George sur RIG. il aura fallu attendre la dernière émission pour que je termine à l'heure. Non mais là je dois aller récupérer ma fille le plus vite possible. Je vous remercie tous et toutes. C'est absolument merveilleux de faire la radio avec vous de l'autre côté du poste. On arrête pour cet été. On se donne rendez-vous au mois de septembre pour la suite de la saga des Fab Four. Mais restez là d'abord parce qu'il y a Eric dans quelques secondes. Mais ensuite, on va vous expliquer que cet été on fait une émission qui s'appelle Salut les Bronzés, qui est tout ce que nous, tous les deux, on aime autrement que les Beatles et que Johnny Hallyday pour Eric. Donc vous allez voir, vous allez entendre qu'on aime beaucoup de choses quand même, et c'est de la bonne musique. Donc on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine à partir de 21h exceptionnellement. C'est moi qui sors un petit peu en retard, mais on aura l'occasion, Eric vous en reparlera en fin d'émission. Donc voilà, on en reparlera. Allez, merci, bisous, bonne soirée et à très très bientôt. Vive les Beatles et salut, ciao.